La bataille d'Al-Ahzab, la bataille des coalisés. De nouveau, la paix et la sécurité furent restaurées dans la péninsule arabique et cette région agitée se trouva apaisée après une année dominée par les combats. Le manque de loyauté et les intrigues fomentées par les Juifs leur avaient attiré toutes sortes d'humiliations et de disgrâces. Mais ils ne renoncèrent pas pour autant à leur conduite irréfléchie et ils ne tirèrent aucun enseignement des expériences passées. De leur exil de Khoïbar, ils demeuraient anxieusement à l'écoute de l'issue des escarmouches opposant musulmans et idolâtres. Contrairement à leurs espoirs, la victoire était du côté des croyants. C'est pourquoi ils se mirent une nouvelle fois à conspirer et à se préparer à porter un coup fatal aux musulmans. Mais n'ayant pas assez d'audace pour mener seuls la lutte contre ces derniers, ils conçurent un plan machiavélique. 20 responsables juifs, accompagnés d'hommes très réputés parmi les Banu Nadir, se rendirent à la Mecque pour inciter les Quraychites à attaquer Médine, leur proposant leur soutien. Les Quraychites, qui avaient fait preuve de faiblesse en n'allant pas au rendez-vous de Badr, saisirent cette occasion pour redorer leur blason, rétablir leur réputation fortement entamée et tenir leur promesse d'aller à la rencontre des musulmans. La même délégation juive se rendit auprès des Ratafan, lesquels adhérèrent au plan élaboré par les Juifs. Ces derniers continuèrent leur tournée parmi les tribus arabes et ils purent ainsi mettre sur pied une coalition d'incroyants dirigée contre le prophète alayhi salatu wassalam et les musulmans. Les Quraychites, les Kinana ainsi que leurs alliés parmi les gens de Tuhama affluèrent du sud à la tête de 4000 hommes qui furent placés sous le commandement d'Abu Sufyan. À Mar al-Zahran, les Banu Sulaym les rejoignirent. De l'est, les tribus de Ratafan, c'est-à-dire les Banu Fazara, conduits par Uyayna ibn Hisn, les Banu Murra, avec à leur tête Al-Harith ibn Auf, les Banu Ashja', menés par Mis'ar ibn Khuwayla, ainsi que les Banu Asad et d'autres encore, se dirigèrent vers Médine. Ils firent tous route vers Médine et se rassemblèrent dans ses environs à une date fixée antérieurement. Ils formaient globalement une grande armée forte de 10 000 combattants, dépassant en nombre tous les musulmans de Médine, femmes, enfants et vieillards compris. Et s'ils avaient lancé une attaque surprise contre Médine, ils auraient pu exterminer tous les musulmans. Cependant, les musulmans étaient constamment vigilants et collectaient sans cesse des informations en territoire ennemi. C'est ainsi qu'ils furent très tôt renseignés sur les mouvements des troupes coalisées qui progressaient vers Médine. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, réunit un conseil consultatif afin de concevoir un plan de défense de Médine. Après de longues discussions avec Ahlul Shura, c'est-à-dire les chefs militaires et les conseillers, il fut convenu, suite à la proposition d'un honorable compagnon, Salman al-Farisi, radiyallahu anhu, de creuser une tranchée qui servirait de ligne de défense au moment du combat. Salman dit « Ô messager d'Allah, quand nous étions assiégés en Perse, nous creusions une tranchée pour nous défendre. » C'était un plan sage qui était sans précédent chez les Arabes. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, donna rapidement des ordres pour le mettre en œuvre. Des groupes de 10 hommes furent constitués et chaque groupe devait creuser une partie du fossé égale à 40 coudées. Les musulmans, avec à leur tête l'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam, qui les encourageait, les aidait et leur rappelait la récompense de l'au-delà, creusèrent rapidement une tranchée autour de Médine. Al-Bukhari a rapporté que Sahl ibn Sa'd a dit « Nous étions avec le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dans le fossé. Les croyants creusaient le sol et nous transportions les déblais sur nos dos. L'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam, dit « Ô mon Dieu, il n'est de vraie vie que la vie de l'au-delà, pardonne donc aux Muhajirun et aux Ansar. » Toujours selon Al-Bukhari, Anas a dit « L'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam, se rendit au fossé et y trouva les Muhajirun et les Ansar qui creusaient le sol par une matinée glaciale, n'ayant pas d'esclaves pour exécuter ce travail à leur place. » Constatant la fatigue et la faim qu'ils enduraient, il dit « Ô mon Dieu, il n'est de vie que la vie de l'au-delà. Pardonne donc aux Muhajirun et aux Ansar. » Ceux-ci répondirent « Nous sommes ceux qui ont prêté serment à Muhammad et se sont engagés à ne jamais rater le djihad. » Nous lisons aussi dans le Sahih d'Al-Bukhari qu'Al-Bara ibn Azib a dit « Le jour du fossé, j'ai vu le prophète alayhi salatu wassalam transporter des déblais au point que son ventre était couvert de poussière. Je l'ai entendu réciter des vers de Abdullah ibn Rawaha composés sur le modèle métrique du Rajaz. Notre Dieu, n'étais-toi, nous ne serions pas sur la bonne voie. Nous ne ferions ni aumône ni prière. Fais donc descendre sur nous la quiétude et affermis nos pieds si l'ennemi nous rencontrons. Celui-ci nous a opprimés, mais s'il aspire au trouble, nous nous y refusons. » Et il allongeait sa voix quand il disait « Nous nous y refusons ». Même la faim dont ils souffraient sévèrement ne les dissuada ni ne les découragea dans leur travail. Al-Bukhari a rapporté d'après Anas « On apportait aux gens du fossé une poignée d'orge qu'on faisait cuire avec de la graisse rance et qu'on leur servait ensuite. Les gens étaient affamés et cette graisse laissait un goût désagréable dans la gorge et avait une odeur fétide. » Abu Talha a rapporté « Nous nous sommes plaints à l'envoyé d'Allah alayhi salatu wassalam de la faim qui nous tenaillait. Nous découvrîmes nos ventres pour lui montrer que nous y avions chacun attaché une pierre. L'envoyé d'Allah alayhi salatu wassalam découvrit alors son ventre et nous constatâmes qu'il avait attaché deux pierres. » Certains miracles prophétiques se manifestèrent lors de ces travaux. Jabir ibn Abdillah, radiyallahu anhu, voyant le prophète alayhi salatu wassalam affamé, égorgea une bête. Sa femme fit cuire une bouillie d'orge et il demanda au messager d'Allah alayhi salatu wassalam, de même qu'à quelques compagnons, d'accepter son invitation. Mais le prophète alayhi salatu wassalam rassembla tous les gens du fossé. Ils étaient un millier. Ils se mirent tous à manger jusqu'à ce qu'ils furent rassasiés. Et pourtant, la marmite de viande bouillait toujours et la pâte avec laquelle on avait fait le pain n'avait pas diminué de volume. La sœur d'An-Nu'man ibn Bashir apporta à son père et à son oncle une poignée de dattes. Elle passa près du prophète alayhi salatu wassalam qui lui demanda de les lui donner. Il les lança alors sur un morceau d'étoffe et invita les gens du fossé à en manger. Le nombre de dattes ne cessa tant que les gens du fossé en mangeaient d'augmenter au point qu'elles débordèrent du vêtement. Un autre miracle encore plus important se produisit. En effet, Al-Bukhari a rapporté selon Jabir les propos suivants. Le jour du fossé, pendant que nous creusions, nous rencontrâmes un bloc de roche extrêmement dur. On alla trouver le prophète alayhi salatu wassalam pour lui en parler. Il répondit « Je vais y descendre moi-même ». Il vint alors le ventre serré par une pierre pour ne pas souffrir de la faim, car nous étions restés 3 jours sans goûter à quoi que ce soit. Le prophète alayhi salatu wassalam prit la pioche, en frappa la roche et celle-ci s'effrita. Le jour du fossé, nous avons été arrêtés par un rocher qui résistait à nos pioches. Nous nous plaignîmes au messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Il vint, prit la pioche et disant « Bismillah » au nom d'Allah, il frappa le rocher une première fois. Il s'écria « Allahu Akbar, Allah est le plus grand. Les clés de la Syrie m'ont été données. Je jure par Allah qu'en ce moment même, je peux voir ses palais rouges. » Puis il frappa une seconde fois et s'exclama « Allahu Akbar, la Perse m'a été accordée. Je jure par Allah qu'en cet instant, je peux voir le palais blanc de Mada'in. » Et après un troisième coup, le rocher éclata en petits fragments et le prophète alayhi salatu wassalam de s'exclamer « Allahu Akbar, j'ai reçu les clés du Yémen. Je jure par Allah que je peux apercevoir les portes de Sana'a tout en étant là, avec vous. » Ibn Ishaq a rapporté d'après Salman al-Farisi un récit équivalent à celui-ci. Le côté nord de Médine était le plus vulnérable, les autres étant bordés de terrains volcaniques, de montagnes et de palmeraies. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, comprit de par son expérience militaire que les coalisés attaqueraient de cet endroit-là. C'est pourquoi ordonna-t-il que le fossé soit creusé sur le flanc nord. Le travail dura plusieurs jours. Les musulmans creusaient le jour et rentraient chez eux le soir venu. Le travail fut achevé avant l'arrivée massive des polythéistes devant les remparts de Médine. L'armée de Quraysh, composée de 4000 combattants, s'établit à Rouma, entre Al-Jurf et Zouaba. Les Ratafan et les gens du Najd, qui comptaient 6000 hommes, s'installèrent à Vanab Naqma, près d'Uhud. Allah dit, selon le sens du verset, « وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. Et quand les croyants virent les coalisés, ils dirent « Voilà ce qu'Allah et son messager nous avaient promis. Et Allah et son messager disaient la vérité. Et cela ne fit que croître leur foi et leur soumission. » Sourate 33, verset 22. 3000 musulmans, avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à leur tête, sortirent pour affronter les idolâtres. Ils tournaient le dos à la montagne de Sal'a, la tranchée formant une barrière entre eux et les mécréants. Leur slogan était « Les mécréants ne trouveront pas de secoureurs ». Le prophète alayhi salatu wassalam désigna comme son lieutenant à Médine Ibn Maktoum. Les femmes et les enfants se réfugièrent dans les fortins de Médine. Dans leur progression vers Médine, les idolâtres furent surpris en découvrant face à eux cette vaste tranchée qui constituait un stratagème inconnu des Arabes, les stoppant ainsi dans leur progression vers Médine. Ils persistèrent dans leur volonté d'assiéger Médine et essayèrent de contourner la tranchée à la recherche d'une brèche par laquelle ils pourraient s'infiltrer. Pour dissuader leurs ennemis de s'approcher ou d'endommager une partie du fossé afin de passer facilement ensuite, les musulmans leur décochèrent un grand nombre de flèches et engagèrent même contre eux quelques combats isolés. Quelques-uns des cavaliers quraïchites ne supportèrent pas de rester aux abords de la tranchée à attendre passivement le déblocage de la situation. Un tel comportement ne leur ressemblait pas. Certains de ces cavaliers, parmi lesquels se trouvaient Amr ibn Abd Wad, Ikrama ibn Abi Jahl, Dirar ibn al-Khattab et bien d'autres, se dirigèrent vers un endroit où la tranchée était étroite pour ensuite s'y engager. Leurs chevaux les introduisirent dans un marécage situé entre la tranchée et le mont Sal'a. Alors Ali ibn Abi Talib et 10 autres musulmans vinrent fermer la brèche par laquelle ils venaient de faire passer leurs chevaux. Ce étant, Amr, l'un des associateurs les plus courageux et les plus braves, appela au duel. On lui envoya Ali ibn Abi Talib qui, sans attendre, lui adressa des propos propres à le mettre en colère. Alors il tua son propre cheval après en être descendu, se donna un coup au visage et fit face à son adversaire. Ils se mirent à se chercher, tournant l'un autour de l'autre, puis ce fut le corps à corps, et Ali le tua. Les autres s'enfuirent, franchissant la tranchée dans la panique et la confusion. La terreur fut si grande que Ikrima abandonna sur les lieux sa lance et son compagnon Amr. Quelques jours plus tard, les polythéistes menèrent des attaques désespérées pour passer de l'autre côté du fossé ou saccager des parties de celui-ci, mais elles échouèrent l'une après l'autre, vu la fermeté des musulmans qui ne cessèrent de leur décocher des flèches. À cause des événements de la bataille du fossé, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, n'effectua pas certaines prières en leur temps. Jabir a ainsi rapporté à ce sujet, le jour du fossé, Omar ibn al-Khattab vint et se mit à invectiver les associateurs de Quraysh et il dit « Ô messager d'Allah, j'ai eu à peine le temps d'effectuer la prière avant que le soleil ne se couche. » Le prophète, alayhi salatu wassalam, répondit « Par Allah, moi je n'ai pas encore effectué la prière. » Nous descendîmes alors avec le prophète alayhi salatu wassalam à Bathan, il accomplit les ablutions et s'acquitta au crépuscule des prières de l'après-midi et du coucher du soleil, Asr et Maghrib. Il fut tellement bouleversé de ce retard qu'il invoqua Allah contre les associateurs. Al-Bukhari a rapporté d'après Ali ibn Abi Talib que le prophète alayhi salatu wassalam dit « Qu'Allah remplisse leurs demeures et leurs tombes de feu, car ils nous ont fait retarder as-salatul wusta, la prière médiane, jusqu'au coucher du soleil. » Il a été rapporté par l'imam Ahmad et l'imam Ash-Shafi'i que les différentes phases de la bataille monopolisèrent l'attention de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à un point tel qu'il rassembla les prières de midi, de l'après-midi, du coucher du soleil et de la nuit, c'est-à-dire al-dhuhr, al-asr, al-maghrib, al-isha. An-Nawawi a concilié la version d'Al-Bukhari et celle d'Ahmad et d'Ash-Shafi'i en disant que la bataille du fossé ayant duré quelques jours et étant passée par différentes phases, il est arrivé que le prophète alayhi salatu wassalam accomplisse la prière du Asr à l'heure du Maghrib pendant certains jours ou qu'il rassemble 4 prières en même temps. De ces versions, il ressort que les affrontements entre les deux camps et les tentatives des associateurs de traverser le fossé durèrent quelques jours. Mais les deux armées n'ont pu se combattre réellement en raison de la présence du fossé. Il y eut seulement entre elles un échange de flèches. C'est pourquoi le nombre de tués fut très limité, 6 musulmans et 10 polythéistes, dont quelques-uns trouvèrent la mort lors de combats à l'épée. Lors des échanges de flèches, Sa'd ibn Mu'adh fut blessé par un homme de Quraysh portant le nom de Hibban ibn al-Ariqa et qu'il avait atteint à la veine médiane dans le bras. Il invoqua Allah ainsi. « Ô mon Dieu, tu sais que rien n'est plus cher à mon cœur que le combat dans ta voix contre des gens qui ont démenti ton messager et l'ont expulsé. » « Ô mon Dieu, je pense que tu as fait cesser la guerre entre eux et nous. Mais si la guerre avec Quraysh doit continuer, épargne-moi que je puisse les combattre en ton nom. Si tu as décrété la fin de la guerre entre nous et eux, rouvre ma blessure et fais-en la cause de ma mort. » Il conclut son invocation en disant « Ne me fais pas mourir avant que mon œil ne se réjouisse d'un spectacle où les Banu Qurayza seraient châtiés. » En effet, durant ces événements difficiles, complots et intrigues ne cessaient d'être fomentés avec ardeur contre les musulmans. Le chef des Banu Nadir, Huyay, se rendit chez les Banu Qurayza afin d'inciter leur dirigeant, Ka'b ibn Asad al-Qurazi, à se joindre à lui en ces temps de conflit. Ka'b, qui avait conclu un pacte avec le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, fut d'abord réticent. Mais Huyay fut suffisamment rusé pour parvenir à le convaincre en l'informant de la présence des Quraychites et de leurs notables à Rouma, de même que celle des Ratafan et de leur chef à Zanab Naqma près d'Uhud, tous déterminés à exterminer l'envoyé d'Allah et ses compagnons. De plus, il promit à Ka'b de demeurer avec lui dans son fort pour être à ses côtés et partager le même sort que lui au cas où les Quraychites et les Ratafan se retireraient du champ de bataille. Ka'b finit par rompre l'accord conclu avec les musulmans et se rallia aux associateurs contre les musulmans. Les Banu Qurayza se mirent alors à lancer des raids contre les musulmans, spécialement contre les postes isolés qui abritaient femmes et enfants. D'après Ibn Ishaq, sa fille bint Abd al-Muttalib se trouvait en haut du fort de Hassan ibn Thabit où s'étaient réfugiés des femmes et des enfants. Sa fille a dit « Lorsque les Banu Qurayza rompirent le pacte les liant à l'envoyé d'Allah alayhi salatu wassalam et se joignirent aux coalisés, un juif vint rôder autour du fort, or nous étions vulnérables aux attaques ennemies, car aucun homme n'était présent pour nous défendre. Je signalai à Hassan la présence suspecte de ce juif à proximité de nous, lui disant que je craignais qu'il informât les autres juifs de nos points faibles. L'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam, et ses compagnons étaient trop occupés pour voler à notre secours, et je lui demandai donc de descendre pour aller le tuer. Hassan répondit « Par Allah, tu sais bien que je ne suis pas homme à faire cela. » C'est pourquoi, saisissant un bâton, je descendis et je le frappai à mort. Je revins ensuite et m'adressant à Hassan, je dis « Descends, va le dépouiller. Si je ne le fais pas moi-même, c'est qu'il s'agit d'un homme. » Il dit « Je n'ai pas besoin de le dépouiller. » Ce comportement courageux de la tante de l'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam, eut un effet considérable et contribua à protéger les enfants et les femmes musulmans. Il semble que les Juifs aient cru, à la suite de l'assassinat de l'un des leurs, que les forts musulmans étaient bien défendus par leur armée. C'est pourquoi ils n'osèrent plus s'en approcher. Ils ravitaillèrent cependant les idolâtres comme gage de leur soutien. Les musulmans purent mettre la main sur 20 chameaux leur appartenant qui transportaient des provisions à l'attention des coalisés. Lorsque la nouvelle de la trahison des Banu Qurayza parvint au messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, il envoya Sa'd ibn Mu'ad, Sa'd ibn Ubada, Abdullah ibn Rawaha et Khawat ibn Jubair en leur disant « Allez vérifier si ce qui nous a été rapporté à propos de la défection des Banu Qurayza est bien vrai. Si cela s'avère, signifiez-le-moi par des paroles que je serai seul à comprendre. Et ne découragez pas les gens. Mais s'ils respectent encore le pacte, déclarez en public que les rumeurs étaient sans fondement. » Malheureusement, les quatre hommes découvrirent que les Juifs avaient ouvertement trahi leur pacte d'alliance avec les musulmans. Les Banu Qurayza dirent « Qui est l'envoyé d'Allah ? Aucun pacte ne nous lie à Muhammad et il n'y eut aucun accord entre nous et lui. » Retournant auprès de l'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam, les quatre hommes dirent « Odal et Al-Qara ». Autrement dit, les Juifs nous ont trahis comme le firent les tribus de Odal et Al-Qara. Malgré leur tentative de dissimuler cette vérité, les musulmans réalisèrent que leurs alliés juifs avaient dénoncé le traité signé avec l'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam, prenant conscience de la gravité du danger qui les guettait. Leurs arrières étaient vulnérables face aux raids éventuels des Banu Qurayza, lesquels pouvaient s'attaquer à leurs femmes et à leurs enfants demeurés sans protection, tandis qu'une trop nombreuse armée se dressait devant eux. Décrivant l'état des musulmans à cet instant, Allah dit « Quand ils vous vinrent d'en haut et d'en bas de toutes parts, et que les regards étaient troublés, et les corps remontaient aux gorges, et vous faisiez sur Allah toutes sortes de suppositions. Les croyants furent alors éprouvés et secoués d'une dure secousse. » Sourate 3, versets 10 et 11, selon le sens des versets. Quelques hypocrites dévoilèrent leur vrai visage, allant jusqu'à dire « Muhammad nous promettait les trésors de Khosroès et de César. Or l'un de nous ne peut aujourd'hui même pas aller satisfaire ses besoins sans craindre pour sa propre personne. » Ou encore « Nos demeures qui se trouvent en dehors de Médine sont vulnérables. Autorise-nous à les regagner. » Les Banu Salama, musulmans loyaux, faillirent fléchir tellement la situation des musulmans était délicate. Allah dit à propos des hypocrites, Et quand les hypocrites et ceux qui ont la maladie au cœur le doutent, disaient « Allah et son messager ne nous ont promis que tromperie ». De même, un groupe d'entre eux dit « Gens de Yathrib, ne demeurez pas ici, retournez chez vous ». Un groupe d'entre eux demande au prophète la permission de partir en disant « Nos demeures sont sans protection », alors qu'elles ne l'étaient pas, ils ne voulaient que s'enfuir. Sourate 33, versets 12 et 13, selon le sens des versets. Averti de la défection des Banu Qurayza, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, s'enveloppa dans son manteau et se coucha sur le côté, demeurant dans cette position pendant un long moment. Puis il se redressa, rempli d'espoir, en disant « Allahu Akbar, ô musulmans, réjouissez-vous de la victoire et du soutien provenant d'Allah ». Il prit des décisions relatives à la protection des femmes et des enfants, envoya à Médine des combattants pour les préserver contre d'éventuelles attaques surprises. Ensuite, il chercha à affaiblir les rangs des coalisés en pensant à conclure une sorte de réconciliation avec les chefs de Ratafan en leur offrant le tiers des récoltes de fruits de Médine. Il consulta Sa'd ibn Mu'adh et Sa'd ibn Ubada, dont la réponse fut la suivante. « Ô messager d'Allah, s'il s'agit d'un commandement d'Allah, alors nous nous devons d'obéir. Mais si cette décision t'est venue par souci de nous protéger, alors c'est inutile. Nous avons connu ces gens-là du temps de notre idolâtrie. Ils ne pouvaient espérer obtenir un seul fruit de nos vergers, sauf si nous le leur offrions ou s'ils nous l'achetaient. Allons-nous, maintenant qu'Allah nous a honorés par l'islam et par ton biais et qu'il nous a guidés, leur céder nos biens? Par Allah, ils n'auront que l'épée. » Sur ce, le prophète alayhi salatu wassalam corrigea leur point de vue en disant « C'est là une chose que je fais pour vous préserver. Tous les Arabes se sont unis pour vous anéantir. » Allah, le Tout-Puissant, suscita un événement qui généra la défection et la déroute de l'ennemi. Un homme de la tribu des Ratafan, dénommé Naïm ibn Mas'ud ibn Amir al-Ajja'i, demanda à être reçu par le prophète alayhi salatu wassalam. Il lui déclara qu'il avait embrassé l'islam secrètement et lui demanda de lui ordonner d'accomplir une action bénéfique pour les musulmans. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, lui dit alors d'œuvrer pour engendrer la division au sein du camp des coalisés. L'homme partit à la rencontre des Juifs, des Quraychites et des gens de Ratafan, incitant chaque composante des armées coalisées à abandonner les autres. Au chef des Banu Qurayza, il suggéra de ne pas faire confiance aux Quraychites et de ne combattre à leur côté qu'à la condition qu'ils apportent en gage des otages. Il prétendit, pour soutenir son conseil, que les Quraychites les abandonneraient s'ils sentaient s'éloigner la victoire sur Muhammad et que la vengeance des musulmans contre eux serait alors terrible. Puis Naïm se dirigea vers le camp des Quraychites et il y mit en œuvre un stratagème similaire. Il prétendit que les Juifs regrettaient d'avoir rompu leur pacte avec Muhammad et ses partisans et qu'il leur avait envoyé dire qu'il prendrait des otages Quraychites pour les leur offrir. Il leur affirma aussi que les Banu Qurayza allaient soutenir les musulmans contre eux. Naïm exhorta alors les Quraychites à ne pas donner d'otages aux Juifs. Et lors d'une troisième mission, il tint le même discours aux gens de Ratafan. Une nuit du mois de Shawwal de l'an 5 de l'Hégire, la veille d'un samedi, les tribus de Quraysh et de Ratafan dépêchèrent ensemble des émissaires chez les Juifs leur proposant d'aller sans tarder combattre les musulmans. Les Juifs répondirent qu'il n'était pas question pour eux de combattre un samedi, demandant en plus des otages s'ils voulaient les voir se joindre à eux dans leur lutte contre les musulmans. En recevant cette réponse, les gens de Quraysh et de Ratafan crurent pleinement la véracité des paroles de Naïm. C'est pourquoi ils firent parvenir aux Juifs un message les appelant de nouveau au combat et leur signifiant leur refus de leur remettre des otages. Le plan de Naïm fut ainsi couronné de succès, et une situation de méfiance mutuelle et de suspicion s'instaura entre les alliés idolâtres, entamant ainsi fortement leur morale. Pendant ce temps, les musulmans étaient préoccupés, suppliant Allah, exalté soit-il, en ces termes. « Notre Dieu, protège nos points faibles et apaise nos craintes ». Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, de son côté, invoqua Allah contre les coalisés en ces termes. « Ô mon Dieu, toi qui as révélé le livre, toi qui es prompt à dresser les comptes, défais les coalisés. Ô mon Dieu, provoque leur défaite et fais qu'ils soient ébranlés. » Allah répondit aux suppliques des musulmans, car aussitôt que le désaccord entre les associateurs apparut, le vent, la pluie et le froid les épuisèrent et renversèrent leurs tentes, leurs ustensiles de cuisine et différents effets personnels. Allah envoya aussi des anges qui semèrent la terreur et la peur dans leur cœur. La nuit même où le froid s'abattit sur les polythéistes, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, envoya Hudhayfa ibn al-Yaman se renseigner sur la situation de l'ennemi. Il fut témoin de leur sentiment de frustration pour n'avoir pas réussi à atteindre leur objectif et il les vit se préparer à repartir. Allah réalisa ainsi pleinement sa promesse, épargnant aux musulmans le combat contre une armée imposante et secourant son serviteur Muhammad alayhi salatu wassalam et les délivrant seuls des coalisés. Le prophète alayhi salatu wassalam revint ensuite à Médine. La bataille du fossé eut lieu dans la cinquième année de l'Hégire. Le siège de Médine débuta au mois de Shawwal et s'acheva au mois de Dhul-Qi'da, c'est-à-dire qu'il dura environ un mois. En réalité, ce fut surtout une guerre des nerfs et il y eut peu de pertes. Aucun accrochage sérieux ne fut enregistré. Néanmoins, ce fut l'une des batailles les plus décisives dans l'histoire de l'islam. Elle apporta la preuve claire et évidente qu'aucune armée arabe, même imposante, ne pourrait jamais plus écraser le pouvoir musulman naissant qui ne cessait de se renforcer à Médine. Lorsqu'Allah obligea les coalisés à se retirer, son messager alayhi salatu wassalam put enfin déclarer « Désormais, c'est nous qui les attaquerons et ils ne nous attaqueront plus. C'est nous qui irons à eux. »